Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le cinéma des frères Coen. Ce sont des cinéastes authentiquement américains, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de critique de l'Amérique, mais c'est une critique toujours aimante, toujours intéressée. Le professeur de cinéma Marc Sirisuelo, co-auteur du livre « Oh Brothers » sur la piste des frères Coen, en entrevue à France 24 en janvier 2015. La voix des frères Coen est sans doute l'une des plus singulières du cinéma américain actuel. Leur œuvre est à la fois extrêmement diversifiée, allant du western au film noir en passant par la comédie déjantée, en même temps que leur signature est toujours très facilement reconnaissable d'un film à l'autre. Le cinéma des frères Coen a aussi cette particularité d'être un cinéma d'auteur qui plaît au grand public. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging. Les frères Coen ont tourné aux quatre coins de l'Amérique, que ce soit à New York dans le Grand Sault ou dans les déserts texans de No Country for Old Men, en passant par les décors enneigés du Dakota dans Fargo, et très souvent, les frères Coen se plongent dans une période historique précise, comme la Grande Dépression dans le Mississippi dans Oh Brother, la Prohibition sur la côte Est dans Miller's Crossing, sans oublier le quartier de Greenwich Village au début des années 60 dans Inside Llewyn Davis, ou la banlieue de Minneapolis à la fin des années 60 dans A Serious Man. Une exploration de l'Amérique qui explique pourquoi on entend autant d'accents américains différents chez les frères Coen, l'accent texan de Tommy Lee Jones dans No Country for Old Men, kill that man on the highway, swap for his car, now here it is, and he swapped again for God knows what. Ou l'accent du Mississippi dans Lady Killers. Extend that helping hand, show an interest. Sans oublier l'accent du Dakota dans Fargo. Thought I should call it in, so I called it in. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. All around this world. Sur la musique du film Inside Llewyn Davis, on entendait un extrait de la capsule Les frères Coen en 5 minutes, ces petites capsules qui sont présentées par la chaîne télé Arte. Pour nous raconter l'univers des frères Coen, je reçois Hélène Faradji, critique de cinéma, auteur de l'essai Réinventer le film noir, le cinéma des frères Coen et de Quentin Tarantino. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Vous les connaissez évidemment très très bien, oui. Les frères Coen. Comment, Hélène, résumer l'esprit de leur cinéma? C'est extrêmement difficile parce que c'est des cinéastes qui se baladent d'un genre à l'autre, d'un style à l'autre, d'une époque à l'autre. Et ce qui rend ça encore plus difficile, c'est qu'ils sont très taquins. Donc, ils refusent d'expliquer leur cinéma. Par exemple, en entrevue, ils vont toujours s'en sortir par des petites pirouettes, des demi-réponses, des jeux avec les journalistes pour éviter d'avoir eux-mêmes à caractériser leur cinéma. Ceci dit, dans ce qu'on vient d'entendre, effectivement, il y a quelques pistes pour mieux comprendre leur cinéma. C'est d'abord et avant tout des cinéastes américains. Ouais. Donc du territoire américain, ils explorent tous les endroits, même quand ils vont dans les grands centres urbains comme Los Angeles ou New York, ils vont le faire dans des quartiers extrêmement précis. Donc, dans The Big Lebowski, ça va être Pasadena. Dans Inside Llewyn Davis, ça va être Greenwich Village. Donc, on va toujours circonscrire à un endroit précis de l'Amérique et on va l'explorer dans tous ses détails, même les plus saugrenus. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose lié à l'américanité, ouais, dans le cinéma des frères Coen qui est très fort. Un portrait d'Amérique qui est à la fois sérieux, entre guillemets, sociologique. Il y a quelque chose, là. On apprend sur l'Amérique en regardant leurs films. Puis en même temps, qui se prend pas du tout au sérieux, justement. Ah non, parce que l'humour, c'est effectivement l'autre grande caractéristique de leurs films. Et ce qui est drôle, c'est que cet humour-là se décline même dans leurs films les plus sérieux. Ouais. Parce que on les connaît beaucoup comme des cinéastes comiques, mais ils ont aussi fait des films un peu plus dramatiques, un peu plus sérieux. Inside Llewyn Davis, par exemple, est très mélancolique. Miller's Crossing, c'est un film de gangsters quasiment à la lettre. Et pourtant, il y a toujours un détail, il y a toujours un décalage, une petite touche d'ironie, un petit clin d'œil, un petit quelque chose qui fait qu'on reconnaît les frères Cohen et puis qu'on est capable d'apprécier leur humour. Et ils sont donc parmi les quelques frères célèbres du cinéma, les frères Dardenne, les frères Lumière. Donc là, on est aujourd'hui devant ces deux frères Cohen. Qui sont-ils, Ethan et Joel Cohen? En fait, c'est deux garçons qui sont nés évidemment dans le Minnesota. Je dis évidemment parce que ça va être une composante très forte de Fargo, leur film peut-être le plus célèbre. Ils ont grandi dans une famille assez aisée. Leur père était économiste, leur mère était historienne de l'art, donc on voit déjà quand même une certaine connaissance du milieu de l'art. Et ils ont grandi en fait en s'amusant déjà à faire des remakes de films qu'ils voyaient à la télé. Donc ils avaient une petite caméra et ils s'amusaient avec les voisins à refaire donc des très films. Très jeune. Très très jeune, vraiment. Et c'est drôle parce qu'on voit ça aussi chez Tim Burton, par exemple, qui est un des cinéastes qui a avoué que lui aussi, pour tromper l'ennui de la vie en banlieue, fabriquait des petits films à partir de ce qu'il avait vu à la télé. Donc voilà comment ils vont un peu se former. C'est Joel, l'aîné, donc c'est le plus grand des deux, qui va, lui, le premier penser à une carrière en cinéma. Donc il va faire des études à l'Université de New York. Il va rapidement trouver un petit travail de monteur et travailler sur les premiers films de Sam Raimi, notamment. Par contre, son frère Ethan, le plus petit, lui, va faire des études de philosophie. Mmh. C'est pas si étonnant, parce qu'il va faire notamment sa thèse sur Wittgenstein, qui va être un philosophe réutilisé dans A Serious Man, qui va être justement un de leurs films sérieux, comme on a pu dire. Et finalement, quand Joel va décider de faire son premier film, ben, il va tout simplement demander à son frère d'écrire le scénario. Et voilà comment les choses vont naître. Alors, c'est un peu particulier parce que dans le cinéma américain, on n'a pas le droit d'être inscrit à deux au générique d'un film tant qu'on n'est pas reconnu comme un duo établi. C'est une règle un peu étrange, mais il va falloir attendre 2003 et Lady Killers pour que les noms des deux frères Cohen soient inscrits comme co-réalisateurs. Leur premier film, ils le réalisent en 1984. Ça s'appelle 100% en français. Et puis, il y a ce grand coup en 1991. Et maintenant, vient le moment de la Palme d'Or. Cher Roman, la Palme d'Or a été décernée à l'unanimité à Barton Fink de Joel and Ethan Cohen. C'est un triomphe pour Barton Fink. Somebody just complained. No, I didn't. I mean, I did call down. Not to complain exactly. I was just concerned that you might... Not that it's my business, but that you might be in some kind of distress. See, I was trying to work and, well, it was difficult. Yeah. I'm damn sorry if I bothered you. The damn wall's here. Well, I just apologize like hell. My name's Charlie Meadows. I guess we're neighbors. Barton Fink. C'est le film Barton Fink qui reçoit, on vient de l'entendre, la Palme d'Or au Festival de Cannes en 91. En fait, il est trois fois primé à Cannes cette année-là. Il a une mise Faragie en scène et acteur pour John Turturro. Et d'ailleurs, Cannes va changer ses règles après Barton Fink pour interdire de cumuler les prix à un seul film comme ça. Ça, c'est vraiment pour eux le coup de départ, la consécration, la reconnaissance sur le plan international. Absolument. Absolument. Parce qu'avant ça, bon, Blood Simple, leur premier film, avait gagné le Grand Prix à Sundance. Ça avait eu un certain retentissement. Hudsucker Proxy avait été un échec public, mais Barton Fink, c'est à part dans l'œuvre des frères Cohen. D'abord parce qu'on peut les reconnaître un petit peu. C'est l'histoire d'un dramaturge qui est appelé à Hollywood pour écrire un film et il n'y arrive pas. C'est l'angoisse de la page blanche. Et ça, c'est une des rares choses qu'ils ont accepté de raconter, c'est que cette angoisse de la page blanche, mais en fait, c'est la leur. C'est celle qu'ils ont vécue au moment d'écrire Miller's Crossing. Ils n'arrivaient plus à écrire, ils étaient bloqués. Et finalement, au lieu de persévérer à vouloir écrire Miller's Crossing à tout prix, ils ont transféré cette angoisse dans un autre film qui est Barton Fink. Et donc voilà comment ce film-là est né. C'est vraiment un des films peut-être les plus inventifs des frères Cohen, les plus étranges aussi parce qu'on mélange à la fois une exploration du grand Hollywood classique, mais aussi un petit peu de film noir, mais aussi un peu de film fantastique, parce qu'il y a un voisin dans l'hôtel de Barton Fink qui est assez étrange. L'hôtel va lui-même se mettre à vivre d'une certaine façon. Bref, c'est vraiment un film qui est à la fois drôle, méchant, cruel, érudit, ouais. qui représente peut-être le plus parfaitement l'univers et la singularité des frères Coen. Esthétiquement très beau aussi, Barton Fink. Très, très beau. C'est le premier film, en fait, qui tourne avec leur directeur photo, Roger Deakins. Avant ça, ils étaient avec Barry Sonnenfeld, qui est par la suite devenu réalisateur. Donc, c'est la rencontre avec le grand directeur photo, Roger Deakins, et ça se voit à l'écran. Il y a tout dans les tons pastels, assez doux, une grande finesse dans le regard de Deakins sur l'univers créé par les frères Coen. Ça, donc, c'est le grand film, celui qui lance leur carrière, le premier parce qu'il y en aura d'autres. Mais un petit mot, une petite parenthèse pour parler de ce côté éclectique. C'est remarquable, Hélène Faradji. Autant on reconnaît leur signature, mais autant d'un film à l'autre, ils passent, mais vraiment d'un genre à l'autre. Barton Fink en 91, Big Lebowski en 98, No Country for Old Men en 2007. Ça n'a rien à voir. Non, c'est très, très étonnant. Vraiment, Blood Simple, leur tout premier, c'est un polar, film noir classique presque. Après ça, ils vont aller dans le film de gangster, ils vont aller dans la comédie pure aussi, avec des films comme Burn After Reading ou Intolerable Cruelty. Ils vont aller dans la comédie musicale avec Hail Caesar il n'y a pas si longtemps, le western avec True Grit. Donc vraiment, ils vont explorer tous les grands genres classiques du cinéma américain. Ils vont en plus les mélanger entre eux, ce qui va encore plus compliquer les choses. Par exemple, il va y avoir un peu de gore dans Blood Simple, du fantastique dans The Man Who Wasn't There. Donc tout ça va être mélangé. Et puis, surtout leur amour du grand cinéma hollywoodien classique, on le voit dans des détails. Les clins d'œil qu'ils font à de nombreux films classiques des genres qu'ils citent sont assez remarquables. Par exemple, Blood Simple, qui est leur premier film, s'ouvre sur un plan dans une voiture la nuit avec une femme et un homme. Et c'est presque un duplicata exact de la scène d'ouverture de The Killers de Siodmak. Raising Arizona, c'est l'univers de Tex Avery qui est cité de façon presque textuelle. Dans The Big Lebowski, c'est une relecture par point de The Big Sleep de Howard Hawks. Bref, ça, on peut s'amuser comme ça à chercher les références dans les frères Coen et on en a pour longtemps. Bonjour, monsieur. J'ai décidé de ne pas rester. Mais comment ça, vous avez décidé de ne pas rester? Je suis entré, mais j'ai décidé de ne pas rester, alors... Mais... Désolé, monsieur, je... J'ai décidé de ne... Je vais pas. J'ai décidé d'annuler mon voyage, alors... Je regrette, monsieur, vous devez vous acquitter des $4. Mais je viens d'entrer. Je viens d'entrer, putain. Oui, mais il y a un tarif minimum qui est de $4. C'est le tarif pour une journée de parking. Ah ouais, tu dois croire que tu incarnes l'autorité dans ta cage avec ce putain d'uniforme à la con, hein? Le roi costume cravate, ta pauvre connard de merde. Regarde-toi, toute ta vie, ça se résume à ça. Chef de ta barrière à la con. Tiens, les voilà tes dollars, misérable étron. Extrait du film Fargo en 1996, un film qui va être vraiment important pour les frères Coen. Il devra remporter 3 Oscars, d'ailleurs, ce film, Hélène Faradji. Et ce film-là, c'est vraiment, encore une fois, on y revient, cette Amérique profonde qui est si présente dans le cinéma des frères Coen, ce portrait de cette Amérique profonde. Tout à fait. Et en plus, là, c'est leur région natale, c'est le Minnesota. Donc, ils connaissent vraiment cet univers-là, que ce soit par les accents qui sont empruntés par les acteurs qui jouent les rôles, la façon dont ils utilisent le territoire, donc ces espèces d'immenses plans enneigés où on a l'impression qu'on ne voit plus à l'horizon tellement tout est blanc. C'est des images qu'on connaît bien ici, mais qui chez eux prennent une résonance particulière. C'est effectivement une observation de l'Amérique et de la nature humaine aussi, parce que Fargo, c'est vraiment un regard sur la cupidité, la bêtise, la lâcheté. C'est un peu du Tchekhov, mais en drôle. C'est assez étonnant, ce film. Évidemment, ils retrouvent aussi leurs acteurs fétiche, Steve Buscemi, Frances McDormand qui joue le rôle de cette policière enceinte de 7 mois qui va enquêter sur cette histoire de kidnapping organisé par le mari de la victime. Ce qui est aussi amusant, c'est leur amour du cinéma, encore une fois, qui se remarque dans Fargo. Un exemple tout bête, c'est que le film s'ouvre sur la mention « Cette histoire est tirée d'un fait divers ». Sauf qu'à la fin du film, on apprend que pas du tout. Et c'est comme si le film venait nous dire « Mais la seule vérité qui compte, au fond, c'est celle du cinéma. Mmh. C'est celle de l'histoire que nous sommes en train de vous raconter. Ouais. » Donc, il s'amuse constamment avec le cinéma, avec l'Amérique, avec les genres. Et c'est ça qui, je pense, les rend aussi fascinants. Puis pour revenir à l'extrait qu'on a entendu, parce que c'est très, très important dans le cinéma des frères Coen, les personnages périphériques, les petits personnages secondaires, tous les personnages sont valent le détour dans le cinéma des frères Coen, mais ça compte dans leur cinéma aussi. Tout à fait, il y en a énormément de ces petites apparitions dans le cinéma des frères Coen qui sont souvent des secrétaires, des busboys, des serveurs, bref, des gens qui n'ont pas une importance capitale dans l'histoire qu'ils sont en train de raconter, mais qui agissent comme des moteurs comiques absolument hilarants. Souvent, ils ont des costumes assez marqués. Les acteurs s'en donnent à cœur joie aussi parce que c'est des tout petits rôles où ils savent qu'ils viennent faire la blague, on va dire, mais ils viennent délivrer des espèces de petites perles de sagesse ou créer des petits moments parfaitement inusités dans l'histoire. Et ça, effectivement, il y en a dans tous les films des frères Coen. Des personnages qui sont aussi carrément des... parfois des minables, en tout cas des petites personnes. Et ça nous rappelle, puis vous connaissez bien le sujet, vous avez écrit ce livre, « Réinventer le film noir, le cinéma des frères Coen et Quentin Tarantino », ça nous rappelle justement, dans le portrait de l'Amérique, dans l'éclairage de ces plus petits personnages, ça nous rappelle Quentin Tarantino. Comment est-ce qu'on parle les cinémas des frères Coen et de Quentin Tarantino? Alors, Quentin Tarantino, effectivement, tous les trois ont en commun cette passion pour les anti-héros. Ou alors, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était des gens normaux, comme vous et moi, qui s'amusaient à jouer des archétypes de cinéma. Donc, des minables qui vont s'amuser à jouer aux gangsters, ou à jouer aux kidnappeurs, ou à jouer à ceci, et qui évidemment n'ont pas les compétences pour le faire, les compétences criminelles, on va dire. Et ça, effectivement, c'est un point commun très fort entre les trois cinéastes. Par contre, Tarantino a un sens du style beaucoup plus marqué que les frères Coen. C'est-à-dire qu'un film de Tarantino, on va le reconnaître presque au premier coup d'œil, que ce soit par la musique, l'éclairage extrêmement vif, le montage extrêmement travaillé. Chez les frères Coen, on est plus dans une approche classique, hollywoodienne classique du récit. Donc on raconte une histoire d'abord et avant tout, et la mise en scène vient servir à mettre en valeur l'histoire. Elle est rarement ostentatoire chez les frères Coen. C'est peut-être la plus grande différence entre les deux, mais reste que c'est effectivement des cinéastes qui ont ce sens de l'Amérique, ont ce sens du public et ont cet amour du cinéma classique qu'ils distillent de la même façon. Et dans tous les cas, en fait, les frères Coen et Tarantino, le sens de la réplique. Are you employed, Mr. Lebowski? Well, wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Are you employed, sir? Employed? Extrait du film The Big Lebowski avec Jeff Bridges en 1998. On a rapidement évoqué l'humour chez les frères Coen, mais il est très présent. Comment définir cet humour? Cet humour, il est assez particulier parce que c'est souvent sur des détails. Moi, la façon dont je le décrirais, ce serait peut-être un comique d'inversion. C'est-à-dire qu'on part sur des situations qui sont connues de tous en général, que ce soit effectivement là dans The Big Lebowski, c'est une histoire qu'on connaît déjà puisque c'est celle de The Big Sleep. C'est un homme qui est engagé pour retrouver la femme dans un cas, la fille dans l'autre, d'un riche millionnaire. Donc c'est une histoire assez banale, sauf qu'on va décaler un élément. Et cet élément-là, dans le cas du Big Lebowski, ça va être l'enquêteur, le détective privé, qui va devenir The Dude. Donc un type pacifiste, hippie, qui traîne en robe de chambre. Donc il n'y a plus du tout les attributs classiques du détective privé. Et cette inversion, cette façon de décaler, ils vont quasiment l'exercer sur tous les éléments de leur film. Donc c'est ça, je pense, qui va créer leur différence, leur singularité. Et puis le cinéma des frères Coen, c'est aussi certaines obsessions. Les frères Coen ont une grande fascination pour les pieds. On ne compte plus en effet les personnages présentés d'abord par leurs chaussures, comme dans Lady Killers, dans Arizona Junior ou dans Burn After Reading. Des plans sur les pieds qui permettent également des ellipses, pour signifier le sexe, dans Barton Fink, ou la mort, dans Arizona Junior. Des pieds enfin sur lesquels on souffle, dans The Big Lebowski, que l'on embrasse, dans Barton Fink, et que l'on lave et que l'on rase dans The Barber. It was clean. No water. Enfin, accélérons un peu, les frères Cohen ont développé un certain amour pour les animaux, notamment les chats ou les chiens. Ils ont également développé une certaine fascination pour la musique, que leurs personnages écoutent aussi bien chez le médecin qu'en cours qu'au sport. Et enfin, bien sûr, les frères Cohen ont toujours eu un goût certain pour les chapeaux, qu'ils soient très grands, qu'ils soient très petits ou qu'ils soient tout seuls dans la forêt. À nouveau, un extrait de ces fabuleuses capsules. Vous pouvez aller sur le web, d'ailleurs, pour les voir. Arte qui fait les différents cinéastes en 5 minutes. Donc, extrait des frères Cohen en 5 minutes. Ce qu'on vient d'entendre, Hélène Faradji, c'est absolument succulent, mais ça nous en dit beaucoup sur ce qu'il y a dans la tête de ces deux frères. Ils sont extraordinairement attentifs aux détails, les frères Cohen. Vraiment, vous pouvez vous amuser à mettre leur film sur pause, à regarder plan par plan ce qui se passe dans l'image, et vous allez constamment découvrir quelque chose. C'est assez amusant. Que ce soit en arrière-fond dans The Big Lebowski, Nixon qui va jouer au bowling à la télé, puis qu'on va retrouver dans une affiche un petit peu plus tard. Ça peut être la coiffure tout simplement de Javier Bardem dans No Country for Old Men. C'est un détail, c'est rien. Et pourtant, c'est ce qui va créer le personnage. Ça va le rendre encore plus terrifiant. Parce que c'est un tueur à gages, sanguinaire, absolument atroce. Mais on lui a fait une espèce de coupe de cheveux, de Playmobil, champignon, pas clair. Et ils vont s'amuser, les frères Cohen, comme ça, à caractériser leur personnage, l'univers qu'ils filment, avec des petits détails qui sont tout le temps extrêmement significatifs sur l'endroit qu'ils veulent montrer, donc cet endroit particulier de l'Amérique qu'ils veulent mettre de l'avant. Et cette toile de fond participe justement de ce portrait. Tout est important. Absolument. Dans Barton Fink, par exemple, on ne fait pas attention pendant assez longtemps à un tableau qui est accroché dans la chambre de Barton. Et finalement, le dernier plan du film va nous révéler toute l'importance de ce tableau-là. Donc, c'est des choses dans l'image qu'on peut aller chercher et qui vont par la suite renseigner ou carrément servir de détonateur à l'histoire. Ils sont évidemment encore en pleine carrière. C'est pas fini. C'est toujours un peu difficile à ce stade-là. Mais quelle place occupe-t-il déjà dans le cinéma américain? Puis surtout, qu'est-ce qui va rester de ça? Est-ce que ça va devenir des classiques dans 50 ou 100 ans, les films des frères Cohen? Je pense que oui, même s'ils ont une apparence moins spectaculaire que d'autres. Ce qu'ils ont retenu du grand Hollywood classique aussi, c'est cette façon de savoir faire du cinéma d'auteur. Donc, qui a une personnalité, qui a une identité, mais grand public. Et ça, ça les rend assez difficiles à classer parce que, en général, le cinéma dont on se souvient dans 50 ou dans 100 ans, c'est les grands films d'auteur extrêmement personnels avec des propositions de cinéma esthétiques très fortes. Chez les Cohen, c'est autre chose. Ils sont tellement variés dans leur approche, ils vont tellement dans tous les genres, tous les styles, qu'on peut se dire c'est peut-être pas aussi auteur que ce qu'on voudrait croire. Et pourtant, c'est des films qui non seulement disent quelque chose de très fort sur l'Amérique, mais disent aussi quelque chose de très fort sur l'histoire du cinéma. C'est des films qui font avancer le cinéma. Et pour ça, je pense qu'on se rendra compte dans 50 ou 100 ans qu'ils ont été à un moment charnière de l'évolution du cinéma américain. Ils l'ont fait aller vers une autre façon de raconter des histoires. Hélène Faradji, j'en ai repris encore une deuxième émission. Critique de cinéma et d'imestre à la section cinéma du site radiocanada.ca, auteur du livre « Réinventer le film noir, le cinéma des frères Cohen et de Quentin Tarantino », publié aux éditions Le Cartanier en 2009. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.